Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous avons vu la semaine dernière comment Yahvé s'est rapproché d'Israël ou comment Israël a pu adopter Yahvé. Aujourd'hui, nous devons nous intéresser à la question comment Yahvé est-il devenu le Dieu d'Israël de manière officielle dans le temple de Jérusalem. Donc comment Yahvé est-il entré dans le temple de Jérusalem? Alors, avant d'aborder le sujet plus précisément, un argument supplémentaire pour vous montrer que Yahvé n'a pas toujours été vénéré en Juda et en Éphraïm ou en Israël, c'est simplement l'étude des noms de lieux, attestés au deuxième millénaire. Parce qu'il y a beaucoup de noms de lieux qui, en effet, sont construits avec des noms divins. Par exemple, Anatot, hein, c'est là d'où vient le prophète Jérémie, bah, c'est la déesse Anat. Ou Baal Peratsim, c'est un endroit mentionné dans le livre de Samuel, où David bat les Philistins, c'est un nom construit avec Baal. Beth Dagan, évidemment, est la maison de Dagan, grand dieu de fertilité, très populaire chez les Philistins. Beth-El, nous avons déjà parlé longuement, donc un nom construit avec El. La ville de Jéricho est basé sur Yarihu, qui est le dieu lunaire bien connu à Ougarit, et Beth-Shemesh, également mentionné dans l'histoire de l'Arche de l'Alliance, dont je vais vous parler dans un petit moment, c'est évidemment avec Shemesh. Et j'aurais pu encore ajouter, on y reviendra, le nom de Jérusalem, puisque Jérusalem est construit avec le nom d'une divinité Salimou, qui est la divinité de l'aurore. Mais ça, nous allons le voir dans un petit moment. Donc ça veut dire, nous n'avons pas de nom de lieu où apparaît le nom de Yahvé. Donc ça veut dire, dans tout ce territoire, il y a toute une panoplie de divinités qui sont vénérées, la plupart en lien avec la fertilité, avec l'orage, et Yahvé y est absent. Donc, un indice supplémentaire que Yahvé, contrairement à Israël, n'est pas quelqu'un d'autochtone. Alors, Yahvé, selon le récit biblique, entre dans le temple grâce au premier roi de Juda et d'Israël, donc nous en parlons depuis un petit moment, nous allons y parler dans un petit moment. Évidemment, ces dieux, ces rois, c'est surtout en ce qui concerne Saül et David, des rois qui doivent mener des guerres. Et il est tout à fait logique qu'ils se choisissent un dieu qui a lui-même les qualités d'un guerrier. Donc, je pense, Yahvé est devenu le dieu de Saül à cause de ses qualités guerrières. Et il y a des textes, en effet, dans la Bible qui disent très clairement que Yahvé est un guerrier. En Exode 15, Yahvé est un Ish Milchama, un homme de guerre, son nom est Yahvé. Ou dans un psaume qui, sans doute, fait allusion à une procession où on fait entrer la divinité dans le sanctuaire, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Yahvé, le fort, le héros, Yahvé, le guerrier. Donc, vous avez un certain nombre de textes, on en pourrait encore citer d'autres, qui insistent sur ce caractère guerrier de Yahvé. Yahvé, c'est un dieu qui mène des guerres. Nous allons y revenir, notamment dans le livre de Josué, mais aussi de Samuel, des rois et d'autres. En lien avec cette fonction, on peut peut-être aussi mentionner le titre de Yahvé Tsevaot. Yahvé Tsevaot. Alors, selon les traductions que vous utilisez, c'est parfois traduit par Yahvé le Tout-Puissant. Une traduction plus correcte serait Yahvé des armées. Tsevaot, au pluriel, ce sont les armées. Avec un petit problème de grammaire dont je ne vais pas maintenant, sur lequel je ne vais pas insister maintenant, normalement, un nom propre ne peut pas se construire directement avec un génitif. Donc, il est possible que le titre entier était plutôt Yahvé Elohé Tsevaot, Yahvé le Dieu des armées. Mais nous avons aussi à Ougarit une fois pour le dieu Rechep, Rashpou, Tsavehu, donc Rechep, l'armée. Nous pouvons donc imaginer quelque chose de comparable aussi pour Yahvé Tsevaot. Mais alors, c'est qui ces armées dont Yahvé est le général? Est-ce que c'est des armées terrestres ou est-ce que c'est des armées célestes? Nous avons en fait des indications dans la Bible pour les deux possibilités. Par exemple, dans l'histoire que vous connaissez, l'histoire de David et Goliath, David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je viens à toi au nom de Yahvé Tsevaot, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. Donc là, Yahvé est en effet celui qui mène les troupes d'Israël et qui va leur assurer ensuite la victoire contre les Philistins. Mais il y a d'autres textes où en effet nous avons l'impression que Tsevaot, ce sont les armées célestes, les étoiles par exemple, qui peuvent souvent être compris comme représentant l'armée du Dieu du ciel. Bénissez Yahvé, vous, toutes ces armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Donc là, on a l'impression que cette armée divine se trouve plutôt dans le ciel et qu'il est donc constitué des êtres divins. Alors peut-être le sens a été d'emblée ambigu et qui a pu en effet à la fois se référer à des armées terrestres et célestes, ou, ce qui est plus plausible, si c'est un titre ancien, on peut imaginer que d'abord, en fait, ça se réfère à l'armée terrestre, et ensuite, lorsque Yahvé va devenir le Dieu suprême, va reprendre toutes les qualités de El, trônant dans le ciel comme le roi des autres dieux, le titre va peut-être réinterpréter dans ce sens-là. Nous avons une attestation de ce titre en dehors de la Bible, ce qui montre aussi, contrairement à ce qui affirme certains, j'ai lu que c'est un titre qui aurait été inventé après l'exil. Alors si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on l'a déjà sur un graffito du 8e siècle? Donc je pense à un titre quand même relativement ancien, bien que je dois admettre que ce graffito vient du marché des antiquités. Donc là, il faut toujours se méfier un tout petit peu. Mais selon mes sources que j'ai consultées, on m'a quand même affirmé qu'il y a des fortes chances que ce n'est pas un faux, mais un vrai. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment un grand problème, tout ce qui vient de du marché des antiquités. Il faut se méfier beaucoup. Il y a des magnifiques révélations qui se sont révélées des faux. Donc là, apparemment pas. Nous avons donc là le titre de Yahvé Tsevaot, qui est en effet appelé à faire du mal à un ennemi. Donc en fait, quelqu'un est maudit par Yahvé Tsevaot. Donc l'idée étant certainement que Yahvé, avec son armée, va se jeter sur ces personnes indésirables. Voilà. Donc je pense que Yahvé des armées, ce Yahvé guerrier, est devenu le dieu de Saül, probablement pas le dieu exclusif, comme je vais vous le montrer dans un petit moment. Avant d'arriver au premier roi d'Israël, on doit quand même dire deux mots sur le problème de l'historicité des premiers rois d'Israël. Si nous n'avions pas la Bible, nous connaîtrions Omri, nous connaîtrions Jéhu, connaîtrons Manassé, nous connaîtrons un certain nombre de rois, mais nous connaîtrons ni Saül ni Salomon. Alors pour David, il y a probablement une légère amélioration puisque nous avons cette inscription trouvée à Tel Dan où la plupart des spécialistes pensent qu'on peut reconstituer ici l'expression maison Beth David, maison de David. C'est l'avis majoritaire, donc je ne vais pas le contester, je ne suis toujours pas totalement convaincu. Mais si, et vous allez voir dans la suite pourquoi, parce que ce mot peut signifier autre chose. Mais si on accepte donc cette lecture, nous aurons donc là la première attestation extra-biblique du nom de David. Mais qu'est-ce que ça nous prouve ? Ça ne nous prouve pas encore l'historicité du personnage de David, ça nous prouve que le royaume de Juda, au 8e siècle, au moment où cette stèle a été érigée par Hazael, a été compris comme étant la maison de David, donc selon le nom de l'ancêtre fondateur, comme les Assyriens appellent Israël souvent la Bit Umri, la maison de Omri. Donc on aurait là quelque chose de tout à fait parallèle. Donc nous aurons là, alors à ce moment-là, l'attestation que, en effet, David a été donc connu comme le fondateur de la dynastie judéenne. Voilà. Mais pour Saül et David, pour Saül et Salomon, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien en dehors de la Bible. À cela s'ajoute le problème que, comme l'ont montré Finkelstein et Silbermann, pour David et Salomon, ils ne parlent pas tellement de Saül, mais on peut en effet montrer que dans les récits bibliques, les trois premiers rois, ce sont des types, des figures typiques qui reflètent chacun à sa manière un élément qui est important pour la construction de l'histoire de la royauté. Saül, c'est la royauté en échec. Saül, c'est une figure presque tragique si on lit le récit tel que nous l'avons maintenant, parce que c'est le roi qui, à la fois destiné par Yahvé, Yahvé donne l'ordre à Samuel de l'oindre, mais qui est ensuite rejeté par ce même Yahvé, en faveur, comme vous le savez, de David. Alors David, c'est le roi qui va être le roi guerrier, le roi aux nombreux exploits, qui va devenir le vrai fondateur de la dynastie judéenne. Et finalement, Salomon, qui va être l'image même, l'exemple même du roi sage, du roi bâtisseur, du roi administrateur. Salomon ne mène pas de guerre, c'est un roi qui agrandit le royaume, qui est connu jusqu'au bout du monde pour ses exploits, non pas de guerre, mais de sagesse, et qui va être le constructeur du temple. Donc évidemment, ces trois rois, ils ont des fonctions narratives tout à fait précises et importantes. Et donc, certains sont parfois, en effet, amenés à se dire « Donc, c'est des pures inventions pour le besoin de la cause. Saül, on en a besoin pour symboliser d'emblée le rejet du royaume d'Israël, du royaume du Nord. David, on a besoin justement pour raconter des exploits du fondateur de la dynastie et Salomon pour avoir une image du roi sage. Le nom même de Salomon, certains le mettent en rapport avec Shalom, donc le roi de la prospérité, du règne, etc. Mais est-ce que on peut se contenter de cela en disant, en fait, ces trois figures, c'est que des inventions des auteurs bibliques qui ont vécu bien plus tard des événements qu'ils prétendent en fait de raconter. Je ne pense pas. Il y a quand même dans ces textes bibliques, notamment dans les livres de Samuel, quelques éléments qui permettent quand même, on ne peut pas reconstituer la vie ni de David, ni de Salomon, ni de Saül, mais qui permettent quand même de se dire que ces textes peuvent garder un certain nombre de souvenirs historiques. D'abord, personne ne le conteste, c'est que le passage du fer 1 au fer 2, donc environ 1000 avant notre ère, coïncide en effet dans le Levant avec l'origine d'un certain nombre de royaumes. Vous avez les royaumes araméens qui se mettent en place, les Ammonites, les Moabites peut-être un peu plus tard, les Édomites sans doute aussi un peu plus tard, mais situer l'origine de la royauté d'Israël vers environ 1000 avant notre ère est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre point de vue historique et archéologique. Ça, c'est une première chose. Ce qui est sans doute aussi un souvenir historique, c'est le fait que cette royauté israélite se met en place dans la zone d'influence des Philistins. Les Philistins, on les connaît bien. Les Philistins, sans doute liés à ces fameux peuples de la mer qui viennent quelque part de la mer d'Égée, qui s'installent sur la côte et dont on connaît un certain nombre des traits à la fois par l'archéologie et par d'autres sources. Le fait ensuite que David, le grand roi David, est présenté, si on lit attentivement le livre de Samuel, comme un vassal des Philistins, est sans doute un trait qu'on n'aura probablement pas inventé. Si on avait pu écrire l'histoire de David à partir de rien, on n'aura probablement pas eu l'idée que David doit commencer sa carrière en tant que vassal des Philistins. Vous avez en effet un certain nombre de textes qu'on a parfois tendance à lire peut-être de manière un peu trop positive, où on voit que David en fait se met au service des Philistins contre son propre peuple, n'est-ce pas, en raquettant un certain nombre de villages, un peu à la manière des condottieres, et puis en reversant en fait un certain montant ensuite au roi philistin. Donc là, je pense, si on veut chercher le David historique, c'est probablement là, c'est-à-dire quelqu'un qui était mercenaire, vassal des Philistins, et auxquels ensuite peut-être les Philistins ont laissé un petit royaume à gérer. Il y a des gens qui pensent en effet que David, tout au long de sa carrière, était resté un vassal philistin. On peut y revenir dans un petit moment. Donc les livres de Samuel gardent probablement quand même un certain mémoire des origines de la royauté autour des figures de Samuel et de Saül. Donc l'historicité très difficile à saisir en ce qui concerne les détails. Samuel, c'est quelqu'un qui a un nom construit avec El, Samuel. Alors, signification, est-ce que ça veut dire El est élevé ou son nom est El? Peu importe, mais c'est un nom théophore avec donc, la divinité El. Saül, on ne sait pas. Saül, on ne sait pas. C'est lui qui a été demandé. Avec la racine Sha'al, on connaît des parallèles en néo-assyrien et aussi en phénicien. Donc on ne sait pas quelle est, dans le nom de Saül, sa divinité protectrice. Alors est-ce qu'on l'a enlevé ou est-ce que c'était un nom bref comme ça? Et nous allons voir que certains fils de Saül, ensuite, vont porter des noms yavistes. Donc là, il y a quelque chose, peut-être, qui marque une certaine transition. Alors, est-ce qu'il faut vraiment parler d'un royaume de Saül? Si vous lisez le texte biblique, vous voyez, Saül n'a pas de palais, il n'a pas d'armée permanente, l'administration, on en sait peu de choses. Il a un général qui est un peu son confident, hein, Abner, mais il y a peu vraiment d'infrastructures. Donc certains pensent que Saül ressemble encore beaucoup à des personnes qu'on trouve dans les livres des juges, c'est-à-dire des chefs un peu charismatiques qui ensuite s'installent dans une certaine durée, mais par rapport à ce que nous connaissons au niveau de la royauté dans le Levant et dans le Proche-Orient ancien, peut-être Saül ne mérite pas encore le titre tout à fait de roi. Il vient de Gibéa, et quelle est l'étendue de son territoire ? Il n'est probablement pas très très loin, donc ça c'est quelque part autour ici des montagnes de Gibéa, Rama, Bethel, Shiloh peut-être. Un texte qui est très intéressant, c'est 2 Samuel 2, que je vous ai mis ici, qui se situe en fait après la mort de Saül. On ignore souvent que Saül, en fait, avait un successeur qui n'était pas David, selon le récit biblique. Il y a quelqu'un qui a régné en parallèle à David, ce qui nous est dit en 2 Samuel 2. Cependant, Abner, donc général de Saül, prit Ish-Baal, c'est le nom originel, donc encore un nom avec l'élément Baal, prit Ish-Baal, le fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm, l'autre côté du Jourdain. Il l'établit roi vers El-Galaad, sur les Achérites, ça on ne sait pas trop qui c'est, sur Israël, et sur Al-Ephraïm, sur Benjamin, c'est-à-dire sur tout Israël. Donc vous voyez que tout Israël est ici assez limité. Et on a en effet remarqué que vous avez ici deux prépositions différentes. Vous avez « vers »,« elle » et « sur »,« al ». Alors, souvent, on pense que le « al » désigne en effet le territoire sur lequel Saül a effectivement régné, c'est-à-dire Éphraïm et Benjamin. Et le « vers », c'était peut-être l'idée qu'on avait d'agrandir ce royaume, peut-être justement en concurrence avec David. Mais donc on va en effet, et on peut aussi l'observer ici, que le territoire de Saül est assez limité. Donc ça, c'est simplement une carte qui a été établie à partir des lieux qui sont mentionnés dans l'histoire de Saül. Donc c'est tout ce que vous avez là comme carré blanc. Les carrés qui portent une croix sont des noms de lieux qui sont mentionnés dans le contexte de l'histoire de David et qui montrent en effet le lien très fort entre David et les Philistins et qui montrent en fait que les lieux d'activité de David sont un peu plus élargis mais qui sont aussi très liés en fait en effet, aux Philistins. Donc, je vous ai dit que Yahvé est certainement le dieu de Saül, probablement pas encore d'une manière exclusive, puisqu'il y a un fils de Saül que vous connaissez, Jonathan, Yehonathan, qui porte un nom yahviste. Yahvé a donné. Par contre, Ish-Baal, c'est le nom d'un autre fils dont nous venons de parler, donc un nom construit avec Baal. Au moins que, et ça c'est difficile à décider, à moins que Baal, dont ce nom est un titre pour Yahvé. Mais ça c'est très difficile de savoir. Les rédacteurs ultérieurs n'ont pas compris ça comme ça, puisqu'ils ont changé Baal en Bochette, c'est-à-dire la honte, Ish-Bochette, homme de la honte. Et un fils de Jonathan porte également un nom baalique, Meribaal, le bien-aimé de Baal. Donc Yahvé et Baal sont un peu en concurrence, en équilibre. Mais probablement, on peut en effet penser que Yahvé était en quelque sorte un des dieux auxquels Saül a voué un culte. Mais pas peut-être le seul. Mais maintenant, ce Dieu, où est-ce qu'il se trouvait, ce Yahvé ? Où est-ce qu'on lui rendait un culte? Et là vient maintenant un élément qui passionne jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a plein de films et d'autres choses pseudo-scientifiques autour de ce thème, c'est l'arche. Hein ? De temps à autre, on a retrouvé l'arche perdue. Alors, parfois, elle est en Éthiopie, parfois, elle est en Égypte, parfois, elle est en Jérusalem. On ne sait pas. Et d'ailleurs, le récit biblique le dit très clairement, il dit l'arche a disparu et puis voilà, c'est, on ne peut plus la trouver. Sauf après, justement, il y a quelqu'un qui dit mais Jérémie aura caché l'arche quelque part. Et à partir de cela, évidemment, les gens ont commencé à la chercher. Mais qu'est-ce que c'est cette arche? C'est un coffre. Hein, c'est le même mot qu'on utilise pour l'arche de Noé, Aaron. C'est un coffre de taille moyenne, on y reviendra. Et quelle est la fonction de cette arche? Alors, dans les textes récents, la fonction est très claire. Dans les textes qui nous viennent de la tradition deutéronomiste, donc écrits par les auteurs et les rédacteurs du Deutéronome et d'un certain nombre de textes qui se trouvent dans le livre de Josué jusqu'à Roi, c'est l'arche de l'Alliance. Donc, ça devient Aaron HaBerit, l'arche de l'Alliance. Et en tant qu'arche d'Alliance, bah, elle porte, en fait, elle contient les deux tables de la loi. Hein ? Ça, c'est un thème qu'on trouve en Josué très fréquemment. Quand Josué entre dans le pays, on va faire toute une procession avec l'arche contenant ces deux tables de la loi. Dans la tradition sacerdotale, cette arche, en fait, chez les deutéronomistes, probablement aussi, mais moins clair, dans la tradition sacerdotale, Moïse reçoit sur la montagne de Sinaï l'ordre de construire l'arche, qui fait donc partie du sanctuaire transportable, une sorte de trône peut-être déjà de la divinité. Dans les traditions plus anciennes, le nom c'est probablement Aaron Yahvé ou Aaron HaElohim, l'arche de Yahvé ou arche divine. Peut-être, c'est peut-être même pas arche de Dieu, c'est peut-être plutôt comme un adjectif, l'arche divine, parce que, comme nous allons le voir, cette arche a quand même un certain nombre de pouvoirs qui sont assez redoutables. Et ces pouvoirs de l'arche sont racontés dans les chapitres 4 à 6 du premier livre de Samuel et la conclusion de tout cela dans le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Souvent, on pense que c'est une histoire qui, à l'origine, était indépendante du reste du livre de Samuel, parce que, surtout pour les chapitres 4 à 6 du premier livre, il n'y a pas vraiment de lien précis avec Saül. Samuel n'est pas totalement indispensable à cette histoire. Donc, probablement, c'était peut-être une histoire qu'on a racontée d'abord de manière indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte en effet que lorsque les Israélites se trouvent en guerre avec les Philistins, bah pour gagner cette guerre, ils amènent l'arche de Yahvé. Donc l'arche de Yahvé accompagne les Israélites dans la bataille. Mais pas de chance, pour une fois ça ne marche pas, c'est-à-dire c'est les Philistins qui vont s'emparer de l'arche de Yahvé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la placent dans le temple de leur dieu Dagan à Ashdod. Ça, c'est une pratique qui est très bien attestée aussi pour les Assyriens et d'autres. Lorsque on a vaincu un ennemi, ben on s'empare, si c'est possible, des statues ou des représentations de ces divinités qu'on transporte dans le temple de sa propre divinité pour que, apparemment, les dieux des vaincus doivent faire acte d'allégeance vis-à-vis des dieux des vainqueurs. Et apparemment, c'est cette idée-là. Donc, on place l'arche de Yahvé dans le temple de Dagan. Mais les choses ne passent pas comme les Philistins se sont imaginé les choses, parce que au moment où l'arche de Yahvé se trouve à côté de la statue de Dagan, Dagan va se casser en pièces. Donc ça arrive une fois, les Philistins reviennent le lendemain dans le temple et Dagan est tombé. Bon, on le remet. Et puis le surlendemain, il n'est pas seulement tombé, il est cassé. Donc on dit encore la tête et les mains, et le commentateur dit, voilà, heureusement il y a encore quelque chose qui est resté de Dagan, mais évidemment ça montre aux Philistins la supériorité de Yahvé. Donc l'arche d'alliance a un tel pouvoir qu'elle arrive à faire tomber Dagan. Donc vous avez ici des représentations de la synagogue de Doura Europos, que vous connaissez peut-être, dont l'artiste a consacré ses tableaux à l'histoire de l'arche. Alors donc les Philistins sont inquiets et donc vont consulter leurs prêtres et leurs devins en disant « Que pouvons-nous faire à l'arche de Yahvé ? Indiquez-nous comment nous devons la renvoyer. » Et la réponse, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, au contraire, ayez soin de lui fournir une réparation. Parce qu'entre-temps, l'arche d'alliance avait encore frappé tous les Philistins avec des maladies très désagréables. On peut hésiter entre tumeur ou hémorroïdes, on n'est pas tout à fait sûr. Et puis, donc, on va en effet charger cette arche avec ces tumeurs représentées en or et en argent pour les ramener à Israël. Et donc, quand l'arche arrive à Beth-Shemesh, on se rend compte qu'elle est aussi dangereuse pour les Israélites. D'abord, on l'accueille avec joie, et après, on apprend que Yahvé frappa les gens de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé l'arche de Yahvé. Parmi le peuple, il frappa 70 hommes. Après, quelqu'un a trouvé que ce n'était pas assez à rajouter 50 000 hommes, mais disons, 70, c'était pas mal. Le peuple fut dans le deuil parce que Yahvé l'avait durement frappé, et les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui pourra se tenir en présence de Yahvé, ce Dieu Kadosh, ce Dieu très saint ?» Donc c'est très intéressant, puisqu'on voit en fait que cette arche, elle n'est pas seulement dangereuse pour l'ennemi, elle est aussi dangereuse pour ceux qui rendent un culte au Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous devons voir comment, est présent dans cette arche. Et pour cette raison-là, on apprend donc que l'arche est déplacée à Kiryat Yearim, où on la place dans la maison d'un certain Avinadav, et surtout, et ça c'est très intéressant, on consacre un des fils de ces Avinadav comme prêtre pour garder l'arche de Yahvé. C'est-à-dire, c'est une idée que n'importe qui peut pas. Simplement, on ne peut pas comme ça approcher cette arche. Il faut être, en effet, en mesure de le faire. Donc, il faut avoir une qualité sacerdotale, d'où cette nécessité de la consécration de ce Éléazar. Alors, est-ce que c'est un Éléazar qu'on retrouve par ailleurs dans la généalogie de Aaron ? Ça, nous n'allons pas le discuter maintenant. Donc, l'arche, c'est donc le symbole de Yahvé, mais ce n'est pas simplement un symbole, c'est apparemment quelque chose qui est tout à fait efficace et dangereuse. Donc, si on résume le chemin de l'arche, donc en fait, elle part de Shiloh où elle était, elle est donc prise par les Philistins, amenée à Ashdod, ensuite déplacée à Ekron, et de là, les Philistins le renvoient à Beth-Shemesh pour finalement qu'elle finisse à Kiryat Yearim. C'est l'avant-dernière étape, puisque nous allons voir dans un petit moment, après, elle va être justement amenée à Jérusalem. Mais posons-nous d'abord la question, qu'est-ce que c'est l'arche ? Alors, on a dit un coffre, mais c'est quoi ? C'est un sanctuaire portable. On a, par exemple, ici, un relief égyptien de l'époque de Ramsès III, où vous avez un prêtre, en effet, qui porte un arche, un coffre, et qui apparemment semble contenir quelque chose de saint, puisque vous voyez les gens qui se prosternent devant. Donc ça va être une sorte de sanctuaire transportable, de taille là assez petit. Dans le récit de l'arche, bah, elle est un peu plus grand probablement, puisqu'on a les vaches qui la tirent, donc là on imagine les choses un peu plus importantes. On peut en effet imaginer que l'arche, d'une certaine manière, correspond à une sorte, ou au niveau de sa fonction, correspond à une sorte d'étendard qu'on trouve dans toutes sortes d'armées. Ici, vous en avez un exemple qui vient de l'Iran, de l'Ouristan, où vous avez un étendard représentant une divinité de manière très stylisée, 9e siècle, mais qui a un peu le style que vous vous souvenez peut-être, ce qu'on appelle le maître des animaux, qui dompte en fait les animaux. Et cet étendard a été amené dans les batailles pour symboliser justement la présence de ce dieu-là. Et donc l'arche apparemment avait une fonction comparable. Nous trouvons aussi encore des mentions de l'arche chez Philon de Byblos dans son histoire de la Phénicie, où on apprend qu'il y avait deux dieux. Ben, c'est évidemment, on a là dans des siècles beaucoup plus avancés, il y a donc pour deux dieux appelés Agros et Agrotès un coffre qui contient leurs images et qui est tiré par deux bêtes. Donc ça, c'est assez proche, en fait, de ce que nous avons dans le livre de Samuel. Et encore sur une monnaie d'Hierapolis, donc ville balnéaire des Grecs en Turquie, nous avons aussi encore, apparemment, cette idée, d'après le numismate, d'une sorte de coffre à l'intérieur duquel se trouve la statue d'une divinité. En ce qui concerne le contenu de l'arche biblique, nous ne savons pas très bien ce qu'il y avait dedans. Hein ? Il y a des textes tardifs qui nous donnent des idées sur la taille, en Exode 25, mais ça c'est la spéculation sacerdotale. Elle est apparemment 1 mètre comme ça de long et 60 de large et de haut. C'est un peu comme ce prêtre qui l'a porté là sur son épaule, donc. Mais dans l'histoire de Samuel, elle est quand même, à mon avis, imaginée un peu plus fort. Et si on lit un texte comme 1 roi 8, où il est dit « il n'y a rien dans l'arche », il n'y a rien dans l'arche, quand on dit « il n'y a rien dans l'arche », c'est qu'il y avait quelque chose, n'est-ce pas ? Donc on dit « il n'y a rien dans l'arche sauf les deux tables de la loi ». Donc là, on voit très clairement qu'à l'origine, ce n'étaient pas les deux tables de la loi qui étaient stockées dans cette arche. Il y avait autre chose. Alors, on peut se poser la question si les deux tables de la loi remplacent simplement deux pierres sacrées, hein, deux bétiles symbolisant Yahvé et notre divinité. Nous avons cela, ça c'est très intéressant, chez les tribus arabes pré-islamiques, nous avons deux déesses, Al-Lat et Al-Uzza, qui ensuite, et ça c'est intéressant, dans la tradition arabe, sont remplacées par deux copies du Coran, hein, mais qui se promènent aussi donc, dans une sorte d'arche portée par des chameaux. Donc là, vous avez quelque chose qui est tout à fait comparable. Peut-être qu'à l'intérieur de l'arche, il y avait peut-être en effet deux pierres sacrées, deux statues. Alors peut-être Yahvé et son Asherah, hein, Yahvé et sa maîtresse, ou peut-être Yahvé tout seul. Mais le fait qu'il y a deux tables, on pourrait, et puis il y a aussi ce parallèle-là, pourrait en effet penser qu'il y avait là un ou deux symboles présentant Yahvé, peut-être avec sa parèdre, parce que nous allons voir que Asherah intervient quand même aussi dans ce contexte-là un peu de combat, de sauvetage vis-à-vis des ennemis, donc ce n'est pas du tout impossible. Donc probablement, l'arche contenait à l'origine une pierre sacrée ou une statue symbolisant le dieu d'Israël, Yahvé, seul ou accompagné. Alors, nous avons résolu un tout petit peu la question de l'arche. Maintenant, comment cette arche, donc, qui est mise un peu en quarantaine à Kiryat Yéharim, comment cette arche va-t-elle entrer à Jérusalem ? Selon la tradition biblique, c'est David. Mais avant d'y arriver, peut-être encore quelques mots sur Jérusalem, ou sur David et Jérusalem. Donc, ce qu'on peut montrer très clairement, c'est qu'au Xe siècle avant notre ère, les villes philistines Ashkelon et Ekron étaient des villes d'une certaine importance. Ashkelon 50 à 60 hectares, Ekron 20, Jérusalem 4 à 6. Et alors la question qu'on s'est toujours posée, si David a vaincu les Philistins, pourquoi il n'a pas mis sa capitale à Ekron ou à Ashkelon? Là, il aura eu une très grande capitale. Peut-être justement parce qu'il est resté tout au long de sa vie en quelque sorte vassal des Philistins. Alors, Jérusalem est une ville qui est déjà attestée au deuxième millénaire. Dès le XVIIIe siècle, on a l'attestation de cette ville, Urushalim, fondation de Shalim, de Shalimou, divinité liée au soleil, divinité l'aurore, bien connue aussi dans les textes d'Ougarit. Et on apprend beaucoup de choses sur Jérusalem dans la correspondance d'Amarna, où le petit roi de Jérusalem se plaint vis-à-vis du pharaon, des apirous qui lui font la vie dure. Donc il se plaint aussi de ses collègues, mais souvent aussi on apprend des apirous sont en train de faire des razzias et donc il demande l'intervention du pharaon. Voilà, donc Jérusalem est une ville bien connue, déjà au deuxième millénaire. Et pourquoi David choisit-il Jérusalem, puisque ça devient la ville de David? Selon la tradition biblique, David d'abord s'installe à Hébron, à Hébron, et c'est seulement dans la suite qu'il déplace en fait son centre vers Jérusalem. Alors on dit souvent c'est une ville cananéenne, c'est-à-dire une ville qui ne fait peut-être pas partie des territoires d'une des tribus, d'un des clans qui se rallie à David. Et donc c'est un peu un terrain neutre d'une certaine manière. Et donc David peut en effet revendiquer cette ville qu'il conquiert pas vraiment. Disons, c'est très compliqué. On dit qu'il a conquis Jérusalem, mais il y a peu de textes très clairs d'un grand récit de conquête. Je pense qu'il a dû négocier avec l'aristocratie rurale. L'aristocratie locale qui apparemment l'accueille et qui l'intègre aussi dans son petit royaume. Donc à l'époque de David, Jérusalem, c'est quoi ? Jérusalem, bon, si vous prenez ici ceux qui étaient à Jérusalem, bon, ça c'est assez facile, vous orienter. Ça c'est les murs donc mamelouks, donc du 16e siècle. Et le Jérusalem de David, c'était ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de David, donc en fait, en grande partie à l'extérieur des murs que vous connaissez, c'est-à-dire, c'est. Si vous prenez une autre image, donc là, c'est la vieille ville de Jérusalem, et la ville de David, c'était ça. C'est à l'extérieur. Vous pouvez le visiter, peut-être avec une partie de ce qui est aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Donc, c'est ce qu'on voit depuis le Mont des Oliviers, donc ici, où vous avez aussi aujourd'hui de nouveau les fouilles, où certains ont voulu retrouver le palais de David, toute autre chose. Alors, on a trouvé des choses intéressantes, mais je pense que le palais de David, on ne l'a pas encore identifié, bien qu'on a trouvé une pierre monumentale, mais dont les attributions varient du 10e jusqu'au 2e siècle. Comme c'est hors contexte, c'est toujours très, très difficile de dater ces choses-là. Donc, il n'y a pas encore le palais de David. Alors, donc, mais c'est sans doute ici que se cristallise ou que commence la carrière de Jérusalem en tant que capitale entre guillemets. Jérusalem ne devient important, là tout le monde est d'accord, à partir du 8e, 7e siècle avant notre ère, mais c'est là le petit centre du royaume de Juda. Et qu'est-ce qu'on apprend ensuite ? Donc, on apprend que David, une fois roi de Jérusalem, va faire transférer l'arche de Yahvé de Kiriath Yéarim à Jérusalem. C'est une histoire aussi assez curieuse. Une histoire assez curieuse parce qu'on nous raconte en fait que David se dénude, il danse donc tout nu devant l'arche, il est critiqué par une de ses femmes qui du coup, elle, devient stérile. Parce qu'elle a osé critiquer David, donc ben voilà, elle n'a pas d'enfant. Donc du coup, on peut se poser la question, donc ça ne correspond pas à ce que les peintres, toujours très pudiques, j'ai un peu regardé, je n'ai pas trouvé des peintures qui, David vraiment nu devant l'arche. Il faudrait le faire, puisque selon le récit biblique, il est nu devant l'arche. Donc, alors il reste toujours un peu vêtu pudiquement. Mais là, du coup, la manière dont ce transfert est décrit, on a l'impression, en fait, d'une sorte, certaines pensent même que ça pourrait refléter une fête de fertilité ou autre. Mais on peut en effet se poser la question si ce récit de du transfert de l'arche a à voir aussi à une fonction de Yahvé comme Dieu, la sexualité, de la fertilité, parce que justement, la femme de David, Michal, qui le critique, elle est frappée de stérilité. Et là, par exemple, vous avez un exemple que les prêtres peuvent donc en fait fonctionner nus, un peu comme David en 2 Samuel 6. Donc là, vous avez des fonctionnaires du culte qui sont dénudés pour offrir des libations à la divinité. Alors, dans la Bible, dans les textes plus récents, provenant du milieu sacerdotal, on va évidemment insister sur le fait qu'on ne peut pas se dénuder vis-à-vis de la divinité. Et donc, on prescrit en fait aux prêtres de se couvrir de sorte que, même s'ils doivent monter des marches, il n'y a aucune possibilité de voir les parties génitales. Donc là, il y a en fait une évolution où, en effet, on essaie de dissocier le culte de Yahvé des connotations sexuelles. Mais c'est peut-être en effet une évolution assez récente et cette histoire de David, le roi nu face à Yahvé, ou disons à l'arche, peut en effet aussi rappeler une certaine fonction liée à la fertilité. Othmar Kehl, par exemple, pense que ce récit ne décrit pas un événement spécifique, mais est plutôt une reprise d'une fête annuelle, peut-être à l'automne ou à un endroit, à un moment précis. C'est difficile à savoir, mais de nouveau, c'est assez difficile aussi d'imaginer qu'on aura inventé cela de toutes pièces, n'est-ce pas ? Surtout aussi cette question de la nudité, et je pense qu'il doit y avoir comme là aussi des traditions anciennes. Maintenant, David, qui est donc le fondateur de la dynastie, Et il va le rester là, dans la présentation biblique, encore qu'il y a peut-être des interruptions de cette dynastie. Mais on ne sait pas. Disons, selon le récit biblique, la dynastie davidique, elle reste de David jusqu'à la destruction de Jérusalem et au-delà. Contrairement au royaume du Nord, on va toujours dire des putschs, des coups d'État, etc. Mais normalement, un roi fondateur d'une dynastie qui se respecte, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit construire un temple. Oui. Mais David ne le fait pas. David ne le fait pas. Selon la Bible, David ne construit pas le temple. C'est Salomon qui va le faire. Alors après, on essaye d'améliorer un peu cela. Si vous lisez les livres des chroniques, qui probablement sont écrits plus tard que les livres de Samuel et de Roi, là, on va raconter que c'est en effet David qui donne à son fils Salomon les plans du temple. Il a déjà tout dessiné. Et puis Salomon n'a qu'à exécuter ce que David a imaginé. Ce n'est pas dans les textes anciens. Et puis dans un texte aussi assez récent, on va raconter comment David au moins va trouver, dans une histoire un peu difficile, l'emplacement du temple. C'est lui qui va acheter l'emplacement du temple, hein, qui servira ensuite d'endroit où Salomon va construire. Mais il y a quand même un texte qui est un tout petit peu étonnant. Donc on dit qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem à l'époque de David. David place l'arche sous une tente et quand il veut construire le temple, nous dit-on en 2 Samuel 7, Dieu lui dit « Non, je ne veux pas de temple, j'ai toujours été content comme ça. Toi, tu ne me construiras pas un temple. » Moi, par contre, je vais te construire une dynastie. Il y a tout un jeu de mots, sans doute des textes assez récents à la gloire de la dynastie davidique, mais tous ces textes insistent sur le fait que David n'a pas pu construire le temple. Mais curieusement, on a quand même un texte qui est un peu étonnant. Vous connaissez toute l'histoire, tous vous connaissez l'histoire de l'adultère de David, qui va finalement mener à la naissance de Salomon. Donc David qui prend la fameuse Bethsabée ou Bathsheba, d'abord évidemment provoque le déplaisir de Yahvé qui va le punir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait mourir le premier fils, n'est-ce pas ? Donc c'est le deuxième finalement, Salomon qui deviendra l'héritier de David. Mais lorsque le premier fils est mort, donc David, qu'est-ce qu'il fait ? Aussi longtemps que son fils est en vie, il prie, il se prosterne devant Yahvé. Une fois l'enfant est mort, on ne peut plus rien faire. Donc, on apprend que David se leva de terre, il se lava, soigna, échangea des vêtements, puis il alla dans la maison de Yahvé et se prosterna. Donc ça veut dire, dans ce texte-là, il y a déjà un temple. Il y a déjà un temple. Et il peut guère être ailleurs qu'à Jérusalem. C'est bête, Yahvé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme ça ? On peut dire que c'est un anachronisme, c'est un rédacteur qui n'a pas été assez attentif, qui n'a pas bien écrit son histoire. Mais c'est peut-être une solution un peu facile et pas très convaincante. C'est peut-être ici une première indication que David n'avait pas besoin de construire un temple parce qu'il y en avait déjà un. Et ça, on va le voir aussi plus en détail encore avec Salomon. Hein, Salomon qui officiellement construit le temple, mais est-ce qu'il le construit vraiment ? Alors, quelques mots d'abord sur Salomon. Salomon, c'est un roi très ambigu. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Salomon ? Si on n'avait pas la Bible, on ne saura rien de Salomon, absolument rien. La seule chose qu'on dit de nouveau, ce que les auteurs bibliques ne peuvent pas inventer, c'est cette histoire de l'adultère. Mais là, il y a même des exégètes qui pensent qu'on aura justement inventé cette histoire d'adultère parce que certains pensent que Salomon, en fait, n'a jamais été le fils de David. À ce moment-là, la dynastie davidique, elle aurait été très, très, très brève, n'est-ce pas ? Donc, elle se serait arrêtée avec David même. Donc, certains pensent en effet que Salomon, c'était un parvenu de l'aristocratie locale qui se sera emparé du trône. Et puis, on aurait raconté, parce qu'on savait qu'il était fils, justement, d'une cananéenne, et donc on aurait raconté toute l'histoire de l'adultère simplement pour dire c'est vrai, c'est pas le fils tout à fait légitime de David, mais c'est quand même le fils de David parce qu'il y a cette histoire. Bon, peu nous importe, c'est peut-être aussi un tout petit peu tiré par les cheveux, mais en même temps, il y a quand même, si on regarde le texte, il y a quelque chose parfois un peu étonnant. Mais ça, c'est pas important pour notre sujet, ce serait important si on parlera de l'histoire de la monarchie, mais nous allons parler de l'histoire de Yahvé. Donc, quelques mots encore sur l'ambiguïté de Salomon. Donc, Salomon, d'abord, c'est le roi sage par excellence, je vous ai déjà dit, qui va collecter tous les proverbes, des jugements qui font rayonner en fait sa gloire de par le monde, d'une richesse incroyable, allant jusqu'au bout du monde, faisant se déplacer la reine de Saba, qui au Xe siècle d'ailleurs avait du mal à exister, mais bon, ça c'est un autre problème. Il est constructeur donc du temple de Jérusalem et donc un sanctuaire tout à fait splendide, les plus grands de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Ça c'est dit dans la Bible pour aucun autre roi de Juda et d'Israël. Donc si on n'avait que ça, Salomon ce sera le meilleur de tous les rois. Mais en même temps, on apprend aussi que son arrivée au pouvoir est quand même assez ambiguë. Il y a des intrigues, donc il faut lire les premiers chapitres du Livre des Rois. Sa mère va intriguer, se jouer du David déjà un peu gâteux, qui ne sait plus très bien ce qu'il a promis, ce qu'il n'a pas promis. Et aussitôt arrivé au trône, il va faire massacrer tous ceux qui pourraient lui devenir dangereux. Il est également ensuite le mari d'un certain nombre de femmes. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas grave, mais des femmes étrangères et amenant leur divinité. Donc, du coup, Salomon va même construire des lieux de culte pour ses divinités. Et il soumet également son propre peuple à une dure corvée. Bon, là, il y a un texte qui veut excuser. Donc là, on parle de... En 1 roi 5, on dit c'est tout le peuple d'Israël qui soumet la corvée. En 1 roi 9, on dit non, non, c'est que les étrangers. Comme si ça changeait beaucoup de choses. Mais enfin, il est donc, à cause de tout cela, responsable de l'éclatement de ce royaume uni. Donc on ne sait pas très bien, en fait, si Salomon est un roi très positif ou négatif. Donc un roi ambigu, ce qui vient évidemment du fait que cette histoire n'a pas été écrite d'un seul trait. Elle s'échelonne sur plusieurs siècles. D'abord, on a certainement commencé avec un Salomon très positif, et après l'exil, on l'a noirci pour justement expliquer aussi l'exil. Donc, en ce qui concerne le Salomon historique, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'idée d'un empire salomonien allant de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, ça, c'est la fiction. Ça, c'est vraiment la fiction. Ça n'existe pas. On projette des réalités de l'Empire néo-assyrien pour construire à Israël ou à Juda un passé glorieux. Donc c'est probablement même plus tard de l'Égypte à l'Euphrate, c'est grosso modo l'étendue de la province de Trans-Euphrate. Donc l'autre problème qui est plus discutable, c'est les grandes constructions à Hatzor, Megiddo et Gezer qu'on a souvent utilisées pour montrer la gloire de Salomon, c'est-à-dire on a trouvé les étables de Salomon, on a trouvé des palais d'automne, d'hiver et d'été de Salomon. Mais probablement, si on suit Finkelstein, il n'est pas seul, il faudrait dater tout cela d'un siècle plus tard et plutôt, en fait, attribuer ces constructions, ce qui fait en effet plus de sens, attribuer ces constructions à Omri ou au roi d'Israël. Donc, probablement. Mais même si ce débat-là n'est pas encore terminé, il est clair, et là personne ne peut contredire, que la taille de Jérusalem à cette époque n'est pas la taille d'une capitale de l'Empire. Hein ? Si Salomon avait construit des grands capitales à Hatzor, à Gezer, pourquoi il ne s'est pas déplacé là-bas ? Pourquoi il est resté à Jérusalem ? Donc je pense en effet que la vision biblique d'un empire de Salomon de ce taille-là, il faut sans doute le corriger, probablement quelque chose comme ça. Même cela, c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup trop haut encore, puisque la semaine prochaine, je vais vous montrer que Dan, de Beersheba à Dan ou de Dan à Beersheba, ça ne peut pas être la réalité à l'époque de Salomon, parce que Dan ne devient israélite qu'à partir du 8e siècle. Donc c'est probablement encore plus bas où se situe la frontière. Donc ce Salomon, alors, dont on peut très difficilement, mais à quelques idées, qu'on peut très difficilement reconstruire sur le plan historique, on nous dit qu'il a construit le temple. Mais est-ce qu'il a vraiment construit le temple ? Ou est-ce qu'il a rénové un sanctuaire déjà existant ? C'est probablement la deuxième solution, je pense. Et comme je l'ai déjà annoncé, mais là je dois reporter l'annonce à la semaine prochaine, donc la divinité qu'il va y introduire, c'est sans doute Yahvé, mais elle ne sera pas seule dans ce temple. On y reviendra la semaine prochaine. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.